partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. Nous prions le matin, nous prions le soir. Shalom, shalom, shalom. Un élément, une mission. Réalisant ce que j'ai fait pour toi. Un ajoutant, belle bébé. Réalisant, c'est une église bénie. Partagez, invite quelqu'un à venir prier. Shalom, shalom, danse un peu avec moi d'abord. Danse l'entière, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tsala, je suis Mama Dédé. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter à cette émission de prière. Ce soir, nous allons prier encore dans le nom de Jésus. Et je reviens encore en force ce soir avec mes émissions pour réveiller l'esprit de quelqu'un, amener quelqu'un dans la prière, à dire à quelqu'un que nous devons nous lever dans la prière. Mais nous allons commencer par prier pour recommander le Seigneur, cette émission au Seigneur, pour inviter le Saint-Esprit dans notre émission. Lève tes mains là où tu es. Dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Dis Seigneur, je te bénis et je te recommande cette émission. de prière, cette émission d'édification, cette émission, Seigneur, prend le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton onction descende pour libérer quelqu'un dans le nom de Jésus, pour parler à quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, Seigneur. Je prie que cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit un instrument entre tes mains pour la restauration de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Je vous salue, je vous bénis, je vous aime. Je déclare que la grâce de Dieu est sur quelqu'un. Je vais commencer par prier pour quelqu'un. Ces jours-ci, je suis en prière. Je sens cette flamme-là. J'ai envie de déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un qui veut partager cette émission. Je suis en train de déclarer quelque chose sur ta vie. Que ta vie ne sera plus la même. Alors que nous sommes en train d'attaquer la fin de 2020. Nous sommes en train de finir 2020. Pendant que tu partages, je prophétise sur toi. Pendant que tu partages, je déclare que ce que tu n'as pas pu réaliser en 10 mois, les 2 derniers mois-ci, la grâce de Dieu se saisisse de toi. La grâce de Dieu te localise. Je suis en train de prophétiser pour une personne qui partage. Ce n'est pas pour tout le monde. Je prophétise pour toi qui es en train de partager. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de prier pour toi pendant que tu partages dans les groupes. Pendant que tu partages dans ton répertoire. Pendant que tu partages à tes amis. Je suis en train de déclarer sur ta vie que ce que tu n'as pas fait en 10 mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2 mois, en 2 mois, tu peux le faire. Dans le nom de Jésus, si Dieu a fait créer le ciel et la terre en 6 jours, Dieu a tout mis le décor. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout déclaré. Apportez-moi l'eau. Il a tout fait, il a tout fait. Toi, c'est en 2 mois, tu peux encore tout refaire. En 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. En 2 mois, l'ordre peut être rétabli dans ta maison, dans ta vie, dans tes projets. En 2 mois, ta vie peut changer. En 2 mois, ta vie peut évoluer. En 2 mois, Dieu peut restaurer ton âme, restaurer ton esprit. Pendant que tu partages, je suis en train de prophétiser sur toi. Je prophétise sur quelqu'un qui est en train de partager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier. Vous savez que je ne prie pas souvent comme ça dans mes lives. Mais aujourd'hui, je sens ce besoin de prier pour quelqu'un. Mais on ne prie pas pour quelqu'un pour rien. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut que tu poses un acte. Hein? Et pour que Dieu te bénisse, tu dois poser un acte. Alors, pendant que tu partages, c'est l'acte que tu poses ce soir. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je dis au nom de Jésus, tout voile avec lequel on t'a recouvert pendant les 10 mois de 2020. Il y en a qui pleurent. Oh, le confinement, mon frère. Pendant le confinement, il y a des gens qui s'enrichissent. Il y a des gens qui sont bénis. Le confinement n'a aucune incidence dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Confinement ou pas confinement, toi, ta vie avance. Au nom de Jésus, confinement ou pas, pendant que tu partages, cette parole-là s'accomplit sur ta vie. Pendant que tu partages, le Seigneur étend sa main sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, COVID-19 ne sera pas ton partage. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Envoie cette vidéo dans les groupes. Partage, invite les gens à venir prier. Et toi, tu reçois ta bénédiction. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour une femme. Je vois ton ventre qui est en train de te faire mal. Pose la main sur ton ventre. Et je suis en train de déclarer. Je déclare au nom de Jésus que cette douleur cesse. Que cette douleur disparaît. Que cette douleur te quitte. Que cette douleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Quitte ta vie par l'autorité. Si tu as mal au ventre, pose la main sur ton ventre. Pose la main sur ton ventre. Pose la main sur ton ventre. Pose la main sur ton ventre. Et j'ordonne à cette douleur de quitter ton corps. De quitter ton âme, de quitter ton esprit, de quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je vois une personne qui a rêvé qu'elle portait un lourd fardeau. Je viens prier pour toi au nom de Jésus. Tu as rêvé que tu portais une charge. Tu as rêvé que tu portais une charge, une lourde charge sur toi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'a appelé l'autre jour. Quand je prophétisais sur elle, elle me dit, « Maman, dis donc, tu prophétises aussi. Quand tu fais tes vidéos, tu ne prophétises pas. » Je lui ai dit, je ne fais pas le maraboutage, je fais ce que le Saint-Esprit me dit. Alléluia. Je veux libérer quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui porte une charge. Tu portes un fardeau. Je prie que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, avant la fin de cette émission, le fardeau là te quitte. Je dis ce fardeau te quitte. Je dis ce fardeau te quitte. Toute personne qui t'a imposé une souffrance, récupère sa souffrance. Cette personne récupère sa souffrance. Cette personne récupère son fardeau. Cette personne récupère sa malédiction. Cette personne récupère. Au nom de Jésus, je dis que tu as rêvé un jour que tu portais une charge sur toi. Si tu es là, mets-toi en commentaire. Pendant ce temps, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de prier pour libérer la vie de quelqu'un. Avant de commencer mon émission ce soir, je prie pour ta libération. Je dis ce que tu n'as pas pu faire. En 10 mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel s'ouvre sur ta tête. En ces 2 derniers mois de 2020, tu rattrapes tout le temps perdu. Je dis, tu rattrapes tout le temps perdu. Je dis, tu rattrapes tout le temps perdu par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, pose la main sur ta tête là où tu es. Je commence à déclarer sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile qu'on t'a recouvert, tout voile avec lequel on t'a recouvert, par l'autorité de Jésus, que ce voile prenne feu. Pendant que tu partages, tu reçois. Cette parole prophétique, c'est pour les gens qui sont en train de partager. Tu ne partages pas, ça ne te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile avec lequel on t'a recouvert, tout voile, tout voile, tout voile. C'est pour ça que tu as des fiançailles brisées, parce qu'on t'a recouvert avec un voile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le voile là prend feu, le voile là prend feu, le voile là prend feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a voilé ta vie, on a voilé tes projets, on a voilé ton esprit. Je viens déchirer tous les voiles. Au nom de Jésus, toute personne qui est en train de partager, toute personne qui est connectée et qui partage, je dis au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je dis par le feu de Dieu, je dis par l'autorité de Jésus, la puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche. J'envoie le feu dans ta maison. Tu es en train de me regarder. Il y a un sorcier qui habite avec toi. Mais je dis cette semaine, avant la fin de ce week-end, Dieu va le dévoiler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que Dieu va dévoiler tout méchant dans ta maison, tout intrus dans ta maison, dans ta famille, qui vient faire semblant d'être avec toi, qui vient t'espionner, écouter ce que tu dis et aller bloquer dans le monde des ténèbres. La puissance de Dieu descend dans ta maison pour exposer, enlever les masques. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont masqués à côté de toi, partage en même temps cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu partages. Je commence à parler quand je suis à 100 personnes. À partir de 100 personnes, je commence à parler. Mais je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le feu de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te libère. Oui, je prie pour ta libération. En cette fin d'année, cette douleur que tu as traînée depuis le début de l'année, tu n'as pas été en bonne santé. Tu as toujours eu mal au corps. Je viens déclarer ta guérison. Je dis, je déclare ta guérison. Je dis, je déclare ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta guérison par la puissance du Saint-Esprit. Le matin, je vous ai dit que rien n'est éternel sur cette terre. Je dis, cette douleur n'est pas éternelle dans ton corps. Tu n'entres pas en 2021 avec un corps qui fait mal. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Pendant que tu partages, le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à vous faire des émissions avec ce livre. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Partage cette émission. Partage, c'est très important. Nous avons déjà fait 2 vidéos. Nous avons déjà parlé 2 fois. Nous avons déjà expliqué la préface et le chapitre 1. Qui est là? La préface et le chapitre 1. Alléluia. Et je vous ai dit que nous allons décortiquer ce livre. Au fur et à mesure. Ce soir, c'est une soirée de prière. Je sens l'envie de prier pour quelqu'un. Je sens parce que le Seigneur, je veux le avoir. Je sens l'envie de prier pour quelqu'un, mais partage cette émission, quelqu'un sera béni. Tu connais quelqu'un qui a un problème, dis à cette personne de se connecter à ce live. Alléluia, toute cette semaine, je suis sur la montagne. Depuis même, je suis en train de prier que le Seigneur me remplisse, que le Seigneur me charge. Parce que le dernier programme de 2020, ça va déménager. Au nom de Jésus-Christ, et Dieu même, il a tout fait, il nous a préparé le confinement pour prier. Je suis en train de vous dire que dans ce livre, l'homme de Dieu raconte son histoire. Comment est-ce qu'il a été initié à la sorcellerie? Très jeune, j'ai commencé à raconter. Et la dernière émission, je vous ai détaillé les envoûtements qui se pratiquaient dans sa famille. Nous allons prier contre ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Et l'homme de Dieu a dit que dans sa famille, il y avait des envoûtements contre passant par les figurines. Donc, quelqu'un pouvait prendre ton habit et la personne utilise ton habit, continue à partager, continue à inviter quelqu'un. Quelqu'un pouvait prendre ton habit et aller faire la sorcellerie avec. Et ça t'attrape et ça te détruit et ça te... Merci. Alléluia. Ouvre un peu la porte là parce qu'il fait chaud. C'est bon, laisse comme ça. Et ça te détruit. Donc, nous allons prier contre tout envoûtement par les figurines. Je vous ai dit que ce témoignage, c'est un témoignage qui a transformé des millions de vies. Aujourd'hui, tu souffres. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Quelqu'un a pris ton habit. Quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient. Quelqu'un a pris ta chaussure. Quelqu'un t'a donné un habit. Quelqu'un t'a donné une chaussure. Et c'est avec ça qu'on te détruit. C'est avec ça qu'on marche contre toi, ta photo. J'ai une personne que je connais qui m'avait dit, elle me dit, maman Dédé, j'avais le père de mon premier enfant. Cet homme m'aimait, il voulait m'épouser. J'ai donc parlé à ma famille, j'ai dit à ma cousine que oui, voilà le gars qui veut m'épouser. Ma cousine là a commencé à marcher, elle a quitté l'Europe avec ma photo. Elle a commencé à marcher avec ça en Afrique. Et le gars est parti comme ça. Sans problème. Le gars m'a abandonné avec la grossesse. Il m'a abandonné avec l'enfant. Partage encore la vidéo. Il m'a abandonné avec l'enfant. Elle dit qu'elle ne sait pas. Il n'avait pas de problème. L'envoûtement par les figurines est très dangereux. L'envoûtement par quelque chose qui te représente. Ou on appelle ton esprit. Ou bien quelque chose que tu as touché. Tu as donné l'argent à quelqu'un. Nous sommes à une période très compliquée, Halloween maintenant. Et ils sont en train de mettre ça dans les centres commerciaux. Vous voyez les squelettes là, tu passes, tu touches ça. C'est un envoûtement par les figurines. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire ça. Et avant de prier, je vous ai dit dans les précédentes émissions où je parlais de ce témoignage, l'homme de Dieu a détaillé les envoûtements qui se passent dans sa famille. Je t'ai dit que toi, tu vas être délivré. 1. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. 2. Il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu t'asseyes pour savoir ce qui se passe dans ta famille. La famille là où tu es sorti. La famille là où tu es né. Quel est le genre d'envoûtement qu'on pratique là-bas? L'homme de Dieu dit dans son livre que chez eux, c'est le poison. Poison physique. Poison spirituel. Il a parlé de l'envoûtement par les figurines. Il a parlé de quoi aussi? Du comme on vend les âmes à Satan. Dans ta famille aussi, ça se passe. Je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure, une émission, pas une émission, une vidéo d'un homme qui est mort par les tontines. Là, c'est à l'extérieur. Mais moi, je commence par la famille. Avant que les gens de la tontine te tuent, les gens de ta famille te livrent d'abord. Donc, tu dois commencer par ta famille. Tu dois commencer par te lever contre la sorcellerie qu'il y a dans la famille là où tu es sorti. Tu dois te lever contre ça. Tu dois te lever contre eux. La sorcellerie de la famille où tu es sorti. Moi, hein, je parle de la sorcellerie. Prends un peu ta Bible, je vais te lire un verset. Pendant que je méditais, j'ai compris quelque chose. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont venir nous dire, « Ah, parlez-nous d'autre chose. » Vous parlez trop de la sorcellerie. Prends ta Bible si tu connais Dieu. Dans Philippiens. Philippiens, le chapitre. Chapitre 3, le verset 1er. L'apôtre Paul parle à ses enfants. Et c'est Dieu qui est en train de me parler. Parce que parfois, les gens viennent nous embrouiller quand Dieu nous donne un travail à faire. Il dit, Philippiens 3, le verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Paul dit à ses enfants que je vais vous dire les mêmes choses. Je ne vais pas me fatiguer de vous rappeler les mêmes choses. Donc, à l'école d'Esther, je ne vais pas me fatiguer de vous dire que je suis en guerre contre la sorcellerie. Je ne vais pas me fatiguer de vous dire que nous devons combattre la sorcellerie. Je ne vais pas me fatiguer. C'est écrit. L'apôtre Paul dit, hein, je ne me lasserai pas de vous écrire les mêmes choses, de vous rappeler les mêmes choses, de vous instruire sur les mêmes choses. Oui, je vais continuer à vous parler du combat contre la sorcellerie, d'envoyer le feu aux sorciers, de combattre les mauvais rêves. Je vais m'asseoir sur ça et je continue à vous dire. Donc, quand tu viens à l'école de l'Esther, sache que tu viens combattre la sorcellerie, sache que tu viens pour rebâtir ta vie. Mais tu ne peux pas bâtir ta vie sans combattre. Tu ne peux pas. J'étais en train de dire que tout commence dans la famille. Tout commence par la famille où tu es né. La famille qui t'a vu grandir. Tout commence là-bas. Tu dois connaître. Voici l'année qui est en train de finir. Je suis en train de te dire ce que tu dois faire pour finir cette année en beauté. Je suis en train de te dire ce que tu dois faire pour récupérer tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que les bénédictions de Dieu qui sont suspendues sur ta tête là. Alléluia. Que ces bénédictions là te localisent. Que tu récupères ça. Parce que tu dois aller en 2021 avec toutes tes bénédictions de 2020. Alléluia. Tu dois t'asseoir pour savoir. Les gens qui sont avec moi là, ce sont les qui? Les gens qui disent qu'ils m'aiment beaucoup là, ce sont les qui? Il a fait la chirurgie de sa famille. Une famille de sorciers. Nous allons prier. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire quelles sont les pratiques qui se passent dans ta famille? Quel est l'envoûtement? Les gens meurent beaucoup de quoi dans ta famille? Nous allons détruire ça ce soir. Ce soir, c'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. Il a dit dans le livre de témoignage, que dans sa famille, ce qui était beaucoup pratiqué, c'était le con. Le con, là, c'était on vend les âmes à Satan. Donc, pendant que tu vis, on t'allait à manger quelque part. On a bu ton sang. On a mangé ta chair. On a déjà partagé les parties de ton corps. On a déjà fait des choses dans ta vie. Mais tu es là, tu vis comme ça. Tu rêves que tu es mort, tu rêves que tu souffres, tu rêves qu'on t'enterre. Pourtant, tu as déjà mangé quelque part. Dans ta famille, qu'est-ce qui se passe? Dans ta famille, comment ils opèrent? Dans ta famille, comment est-ce qu'ils font pour détruire les vies? Tu dois savoir. Tu dois savoir c'est quoi. Mets ça en commentaire. Mets en commentaire comment ça se passe. Pour qu'on détruise les gens dans ta famille. Il y a des gens dans les familles, quand tu construis, ou bien quand tu veux lever la tête, c'est là où on t'écrase. Ou bien dans ta famille, on adore les fétiches. Quel fétiche tu dois connaître? Est-ce qu'on adore les esprits des eaux? Est-ce qu'on adore quoi? Tu dois savoir ce qui se passe dans la famille là où tu es né. Avant de traverser pour aller savoir ce qui se passe dans la famille où tu es parti en mariage. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Pourquoi tant de souffrances? Tant que tu n'as pas encore détecté ça, ta délivrance n'est pas encore à côté. Ta délivrance n'est pas à côté. Quelles sont les pratiques qu'il y a dans ta famille? Dans ta famille, c'est le femme-là. Dans ta famille, c'est quoi? Dans ta famille, c'est quoi? La jalousie, c'est la sorcellerie. Dans ta famille, c'est quoi? On lance aux gens le cancer. Tu dois savoir. Tu dois les savoir pour combattre ça. Tu sais qu'ici, là, les gens meurent des maladies incurables. On lance aux gens le cancer. Tu sais qu'ici, dans ma famille, c'est sur le célibat chronique. Cancer, hépatite. Les mamies Wata, esprit des eaux. Tu dois connaître. Parce que tu ne peux pas combattre efficacement un ennemi que tu ne connais pas. Le diabète dans la famille maternelle, la mort précoce aussi. Tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois connaître. Tu sais que ici là, c'est comme ça que ça se passe. Je ne serai pas votre victime. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ignores. C'est difficile. C'est même impossible. Tu dois savoir ce qui se passe. Là où tu es sorti, là où tu es né, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Quels sont les dieux qu'ils adorent? Alléluia. Tu dois savoir. Tu dois savoir pour mener un combat efficace. Et dans ce livre, il parlait de l'envoûtement par les figurines. Ce soir, nous allons prier pour détruire tout envoûtement par les figurines. Je sais que tu es peut-être dans ta maison. Tu es à la maison. Prends quelque chose qui t'appartient, peut-être un habit. point de contact. Et parle, commence à prier, on va commencer à prier. Dis au nom de Jésus, dans la famille, le célibat chronique. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a pris mon habit, toute personne qui a récupéré quelque chose qui m'appartient, pour me détruire, pour me nuire, au nom de Jésus, comme tu as pris cette chose-là pour venir me détruire, je prends aussi la même chose et je prie dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout envoûtement, que toute incantation, que tout soit lancé contre ma vie, passant par cette chose-là qui me représente, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit détruit par le feu, soit détruit par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie par la puissance de Dieu, déclare au nom de Jésus que tout ce qui me représente dans un cercle mystique, tout ce qui me représente sur un autel satanique que quelqu'un a déposé pour venir me détruire, je détruis ça au nom de Jésus. Prie par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que tu es en train de prier, en tenant ce que tu as entre les mains, tu peux me prendre un billet d'argent. Cherche quelque chose, bien de tes photos. Nous allons prier, même demain encore nous allons prier, pour détruire tout envoûtement par les figurines. Pour détruire l'envoûtement par les figurines, il te faut aussi un point de contact. C'est contact contre contact. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un qui a pris tes cheveux, tu dois te lever. Toute personne qui a pris, au nom de Jésus-Christ, quelque chose qui m'appartient, ou bien qui appartient à mes enfants, tu te rends compte qu'il y a quelque chose, les choses ne font que disparaître dans ta maison. Tu as un habit qui a disparu, les habits des enfants disparaissent, il y a des choses qui disparaissent dans ta maison, certainement quelque part. Même mystérieusement, ça peut disparaître. Tu peux rester comme ça, ton argent disparaît. Prie au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a récupéré quelque chose qui m'appartient, qui a pris quelque chose qui m'appartient, de physique ou de spirituel, et qui est parti faire des incantations, les chaussures, les habits, mes cheveux, les ongles, j'invoque le feu. Je dis au nom de Jésus que tout ce qui a été fait soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Partage en même temps cette vidéo. Nous allons beaucoup prier ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as pris ce qui m'appartient pour aller faire des incantations, quelqu'un peut prendre ce qui t'appartient, il te détruit avec, comme le type qui est mort là. Je vais vous faire écouter la vidéo là, c'est pas sur les réseaux sociaux, et puis j'ai partagé ça sur mes pages, hein? Il est parti faire la tontine avec son argent qu'il a travaillé, mais il partait mélanger son argent avec les sorciers. J'avais fait une vidéo ici, je crois l'année passée, quand je parlais des alliances de pauvreté. Dieu m'avait dit de quitter. Pourtant, mon mari prêchait de quitter les tontines. Et moi, je disais, non, je ne peux pas quitter la tontine. Ça me permet d'économiser et puis tout ça. Quand je faisais en 2019 la délivrance des alliances de pauvreté, pendant que je dors, Dieu me montre. Dieu me montre que les gens avec qui tu fais les tontines, là, tu les connais. C'est des gens qui boivent le sang. C'est des gens qui mangent la chair humaine. Et tu peux mélanger ton argent avec eux. Parce que vous vous mélangez l'argent, vous vous mélangez le sang. Tu prends ton argent, tu peux donner. Tu ne sais pas ce qu'ils font avec. Et ils font des pratiques. Peut-être quelqu'un va aller tuer dans la sorcellerie. Il vient avec l'argent là, il vient te donner. Et regardez souvent la plupart. Moi l'argent, les tontines, je n'ai rien fait avec. J'ai mangé dans la bouche. Je n'ai rien foutu avec. J'ai appelé la maman avec. J'ai dit que maman, je ne suis plus là en beau milieu. De... Non, maman, j'ai dit que je ne fais plus vos tontines là, c'est fini. C'est fini. Parce que quelqu'un a pris quelque chose que tu as touché. Ton argent, il y a ta sueur dessus. Il y a ton ADN. C'est le fruit de ton travail. Tu as besoin de te lever. Toute personne qui a pris mon argent, des réunions familiales, tu as donné ton argent à quelqu'un. Quelqu'un vient, oui, ceci, cela. J'ai une de mes filles avec qui on a prié pour le programme de délivrance des enfants. Ses enfants faisaient la sorcellerie parce que Dieu est en train de les délivrer. Elle m'avait dit, maman Dédé, dans mon foyer, ça va. Ça va, je suis bénie. Mon mari, ça va. Mes enfants, ça va. Mais j'ai un problème, maman Dédé. Je n'arrive pas à toucher l'argent. Mes finances sont bloquées. Je lui ai dit, on va prier. Il faut que Dieu nous explique pourquoi tes finances sont bloquées. Pendant que tu partages, tu es béni. Suis cette prière jusqu'à la fin. Sois connecté, ne sois pas distrait. Si on t'a invité ici, c'est parce que Dieu veut te délivrer. Dieu veut délivrer tes finances. Il veut te délivrer. Toi qui vas acheter dans les centres commerciaux, il y a les toiles d'araignée. Envoûtement par les figurines. C'est ça que nous traitons ce soir. Elle dit, Dieu commence à lui parler. Elle appelle ses enfants. Elle dit, viens. Quand tu parles à la sorcellerie, dis-moi. Et son fils lui dit, maman, ton argent qui disparaît ici, c'est moi qui viens souvent voler ça. Et on part donner à grand-mère. Grand-mère a un bocal, une boîte rouge, avec un couvercle rouge, ou une boîte comment? Tout l'argent qu'on vient de voler, pas dans les rêves, physiquement, ses enfants viennent voler son argent. Ils vont avec ça, une partie, ils mangent à l'école, l'autre partie, ils amènent à la sorcellerie, et leur grand-mère prend l'argent, hein? Elle met dans cette boîte, elle ferme. Elle met dans cette boîte, elle bloque. Et sur la terre, la femme souffre. Elle a son entreprise. Et tous les jours, rien n'entre. Elle est bloquée financièrement. L'envoûtement par les figurines, c'est un envoûtement direct. C'est un envoûtement qui touche. Tu mélanges ton argent avec qui? Tu portes les habits avec qui? Lève-toi et prie. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a pris quelque chose que j'ai touché, quelque chose que j'ai mis sur moi pour m'envoûter, ce soir, j'allume le feu, je détruis cet envoûtement. Toute personne qui a pris quelque chose que j'ai touché, au nom de Jésus, la puissance de Dieu descend. Tout envoûtement par les figurines, prie au nom de Jésus, déclare que tout envoûtement par les figurines, toute personne qui m'a envoûté avec quelque chose que j'ai touché, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ça par le feu, je détruis ça par le feu. Pendant que tu es en train de prier, tes mains sont en train de te démanger, détruis tout envoûtement par les figurines, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a pris ton sous-vêtement, tu te rends compte que ton sous-vêtement a disparu. Fais attention. Prie au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement par les figurines. Envoûtement, nous sommes en train de détruire les envoûtements que nous avons détectés dans ce livre-ci. Qui se passait dans la famille de l'homme de Dieu. Envoûtement par les figurines. Quelqu'un peut venir prendre ce que tu as mangé. J'ai une de mes filles qui m'a raconté un jour. Elle me dit qu'elle était dans une réunion ici en Europe. Avec des filles, des ressortissants de tel pays, tout ça. Arrêtez ça. Arrêtez vos affaires de ressortissants de ceci. Les tontines, si toi tu ne peux pas garder ton argent, tu penses que quelqu'un d'autre peut garder ton argent? Commence à prier que Dieu t'aide à garder ton argent toi-même. Tu vas mélanger l'argent avec les gens que tu ne connais pas. Fais très, très, très, très attention. Elle dit qu'elle était dans la tontine, dans la réunion. Pendant qu'elle mangeait, il y a une fille qui était avec elle dans la réunion qui venait ramasser ses os. Qu'elle finit de sucer. Elle suce les os du poisson ou du poulet. La fille était seulement là pour ramasser ça. Tu fais quoi avec les os que j'ai sucés? Qu'on doit jeter à la poubelle. Toi, tu viens ramasser pour faire quoi avec ça? Partage la vidéo si quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera délivré. Qu'est-ce que tu fais avec les os que j'ai sucés? J'ai fini de manger. Au lieu de débarrasser pour vider, pour donner aux chiens. Toi, tu viens prendre. Et il y a aussi des chiens compliqués. Faites attention. Il y a des chiens, quand quelqu'un, par exemple, hein, il veut te détruire, il ne peut pas le faire ouvertement, il met son esprit dans le chien. Quand toi, tu vas verser la nourriture au chien, les restes de nourriture au chien, la personne t'envoûte. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est la cachette, qui est la solution, qui est le refuge. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu as Jésus, il y en a qui ont Jésus qui ne savent pas prier. L'école d'Esther est là pour t'enseigner à prier, pour t'enseigner à combattre, pour t'enseigner à ne plus être victime. Parce qu'il y en a qui ont Jésus qui dit non, Dieu a tout accompli. Quel tout accompli? Dieu a tout accompli quoi? Les rêves que tu fais là, Jésus n'a pas accompli. Jésus n'a pas accompli. Hein? Tu rêves que tu manges dans les rêves, on te poursuit. Jésus n'a pas accompli quand tu fais les mauvais rêves, il n'a pas tout accompli. Lève-toi, commence à dire que toute paix. personne qui a pris quelque chose qui m'appartient. J'insiste sur ce sujet. Et pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de toucher cette personne. Le Saint-Esprit est en train de te libérer. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit te visite. Beaucoup vont commencer à manifester même dans leur maison. Tu auras des sensations de chaleur, des choses bizarres. Tu vas te rendre compte. Hey! Donc ça me concernait. Tes mains vont commencer à démanger. Tes pieds vont commencer à démanger. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher, qui est en train de te libérer par le feu, par le soufre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare par la puissance du Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui envoie le message. Maman, le mariage de ma tante a été détruit avec les arrêts de poisson qu'on avait mangé lors de la dot. You understand? Les arrêts de poissons. Les gens viennent à la dot, faire semblant comme s'ils sont contents pour ramasser les restes de nourriture. Faites attention, soyez éveillés. Soyez éveillés. Quand vous faites des cérémonies chez vous, priez comme ça. Les sorciers n'auront pas accès. Invoquez le feu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un vient à la dot, mieux de toi, tu vas te marier. Mieux de toi, tu vas partir. Tu vas nous laisser. Quelqu'un m'avait dit qu'elle devait me marier, que tu ne vas pas me dépasser. Tu ne vas pas me dépasser. Donc, tu vas te marier, tu vas me dépasser. Quelqu'un m'avait dit ça. Et après la dot, je suis tombée malade, paralysée en côté comme ça. Vous pensez que la sorcellerie, c'est les blagues? L'école Lester, on est là pour combattre la sorcellerie. Avant, je m'embrouillais, je changeais les thèmes. Quand j'ai lu ça dans la Bible l'autre jour, que l'apôtre Paul dit, je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses. Je ne vais pas me fatiguer de combattre la sorcellerie. Je vais laisser la sorcellerie, de combattre la sorcellerie quand je vais quitter la terre. L'école d'Esther, c'est l'école du combat contre la sorcellerie. Combat contre la sorcellerie. Tu connais quelqu'un qui a les problèmes de sorcellerie? Dis-lui de venir à l'école d'Esther. Nous allons terrasser les sorciers. Nous allons les massacrer. Les sorciers de la famille qui te fatiguent là, inscris-toi seulement à ces programmes. Nous allons les secouer. Quelqu'un est venu détruire le mariage de quelqu'un, de sa tante, lors de la dot, avec les arrêts de poisson, envoûtement par les figurines. Tu es comme ça, peut-être tu as bu l'eau, comme je bois là. Il reste un peu. Quelqu'un vient prendre du bois. Même hygiénique, ce n'est pas normal. Nous devons prier. Nous devons prier. Envoûtement par les figurines. Quelqu'un peut prendre un truc que ton enfant a sucé. Hein? J'ai une maman qui m'avait dit ça. Qu'elle a pris la sucette de l'enfant. Une fille, elle prend la sucette de l'enfant. L'enfant, et que l'enfant a sucé, elle met dans sa bouche. C'est de la sorcellerie. Envoûtement par les figurines. Envoûtement par les figurines. Envoûtement par les figurines. Envoûtement par les figurines. Nous devons détruire tout envoûtement passant par les figurines. Parce que c'est un envoûtement direct. C'est un envoûtement que le diable utilise beaucoup. Quelqu'un vient te saluer. Il a fini de préparer sa main. Tu ne sais pas comment sa main est. Oui, viens, bonjour, tout ça, monté, descendu. Je t'ai gardé les cadeaux empoisonnés. Quelqu'un va préparer un cadeau. J'ai raconté une histoire dans une de mes vidéos. Je crois que c'était avec les gens avec qui je priais le programme surpassé. C'est une de mes soeurs qui me raconte l'histoire. Elle me dit son beau-frère, un pro en Europe ici, footballeur, il décide quand sa vie donne de rentrer au pays, aller épouser sa petite de galère, sa petite avec qui il a souffert au quartier. Dieu m'a béni, ma petite. C'est sûr que la fille au quartier aussi, en Afrique, priait. Oh, mon gars est parti. Oh, il a dit qu'il va venir me chercher. Et Dieu a exaucé ses prières. Partage cette vidéo. Écoute, hein, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. C'est l'école de la vie, l'école d'Esther. Demandez à ceux qui viennent au programme de l'école d'Esther. Ils rentrent la bourrée de sagesse. Le cerveau s'ouvre. Ils ne voient plus la vie comme normale. Le gars part en Afrique, au Cameroun précisément, épouser sa petite. Ils font le mariage. Vous connaissez le mariage pompeux là. Ils font le mariage, tout le monde invite tout le monde et tout. Mais un homme de Dieu prophétise sur le couple. Il leur dit, faites attention. Parmi les cadeaux que vous allez recevoir, j'ai fait une vidéo comme ça, je parlais de ça. Les dangers des filles d'honneur. Cherchez la vidéo là sur YouTube, l'école d'Esther. Les dangers des filles d'honneur. Je dis que le prophète prophétise. que faites attention avec les cadeaux que vous allez recevoir. Dans un cadeau sera piégé. Ils ont prié et ils ont mis un dispositif de telle sorte qu'eux, ils ne touchaient pas les cadeaux, mais ça ne protège pas. Ce sont les filles d'honneur qui récupéraient les cadeaux. Et il y a eu les cadeaux, les filles d'honneur prenaient et tout. Quand ils arrivent au grand déballage des cadeaux, il y avait un cadeau bizarre, un cadeau compliqué. Vous voyez, non? Ils n'ont pas touché dans la salle, mais ils ont touché à la maison. Un cadeau compliqué. Un cadeau, on ouvre, on déchire le paquet, il y a un autre carton. On déchire, il y a un autre. Partage la vidéo aussi. On déchire encore. Un cadeau bizarre, on déchire. Quand on arrive au dernier truc, on part trouver une vieille godasse. Sale. Attachée avec les fils rouges, attachée avec les fils noirs. La godasse est sale, avec les cadenas bloqués. Regarde, qui est venu donner un cadeau comme ça? On prend maintenant les films, on essaye de voir la remise des cadeaux dans les vidéos. Vous savez qui a donné ça? La meilleure copine, la dame de compagnie de madame. C'est elle qui est partie envoûter le gars. Que donc, toi, tu vas me dépasser. On va voir. Et la personne qui me raconte l'histoire me dit, après, donc, le prophète avait dit au garçon que viens, je vais prier pour toi. Il arrive dans le bureau de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'était pas là. Il dit, moi, je suis pressé, je suis parti. Alors, je vous parle. Le type là, le gars là, a le pied cassé. Il ne joue plus. Ça veut dire que l'envoûtement là a réussi. Envoûtement par les figurines. Il ne joue plus. Les pieds sont cassés. Faites attention. Prie encore avec moi là où tu es. Dis, toute personne qui a utilisé quelque chose pour me détruire, quelque chose dont je suis entrée en contact, quelque chose au nom de Jésus que j'ai touché, si j'ai donné l'argent à quelqu'un parce que j'avais pitié de toi, j'étais donné mon argent. Parce que voici la rentrée. Parce que tu avais faim. Tu es venu me voir. Je n'ai pas à manger chez moi. J'ai pris le sel, je t'ai donné. J'ai pris à manger, je t'ai donné. Et tu es parti me bloquer. Que le feu de Dieu descende sur toi. Et que ce blocage-là soit détruit. Que ce blocage soit anéanti. Que ce blocage soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. J'insiste. Nous devons prier avec insistance. La Bible dit d'insister. La Bible dit d'importuner Dieu. Parce que la personne qui a fait ça, tu ne connais pas comment elle a insisté pour te maudire. Elle n'a pas fait ça en quelques minutes. Tes prières de quelques minutes ne peuvent pas renverser un envoûtement de 5 heures. Non. Jésus même a dit, il y a des démons résistants. Il y a des démons qui sont durs. Donc quand tu fais un sujet de prière, tu dois t'asseoir dessus. Prier pour renverser toute personne qui a pris mon argent. Tu te rends compte que l'argent entre tes mains disparaît. Tu n'arrives pas à garder l'argent. Tu travailles. Mais où est l'argent? Tu travailles, tu n'arrives pas à investir. J'ai une femme à un programme qui m'a dit, maman, aidez-moi. Dans ma vie, toute personne qui vient à côté de moi, c'est pour m'escroquer. Tout ce que je vais faire, on va m'escroquer. Je vais partir acheter la maison, on va m'escroquer. Je vais mettre mon argent dans une affaire, on va m'escroquer. Je vais rencontrer un homme, il vient seulement pour m'escroquer. Maman, donnez ma vie là, ce n'est que ça. C'est un envoûtement par les figurines. Prie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris mon argent, toute personne qui m'a donné l'argent et qui a bloqué ma vie. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Vous savez, elle me dit qu'elle a sa cousine qui est élevée dans la société. Elle allait la voir que ma cousine, aide-moi. J'ai un projet. Tu peux m'aider. La cousine dit, viens demain. Quand elle revient demain, elle dit, maman, donnez la prière matinale. Le feu de ça. J'ai allumé le feu en moi. J'ai allumé le feu sur moi. J'ai allumé le feu là où je partais. J'ai allumé le feu partout. J'ai allumé le feu, tout ce que je vais respirer, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais manger. J'ai allumé le feu, maman Dédé. Quand elle est arrivée, la cousine n'a pas eu le courage de s'asseoir avec elle pour lui parler même. parce que le feu là, elle ne pouvait pas supporter. Elle me dit, maman, donc ça veut dire que quand on part souvent leur demander leur argent là, c'est un argent qui est compliqué. C'est un argent qui est travaillé. Donc avant, comme je partais comme ça, sans prier, elle réussissait à m'envoûter. Mais comme j'ai prié avant de partir, la femme ne m'a même pas donné même son argent, même l'argent des taxis. Prie au nom de Jésus-Christ. Tout argent que quelqu'un m'a donné pour me détruire. Je connais une femme. Jusqu'aujourd'hui, sa vie est détruite. Parce qu'un homme lui avait donné deux billets de 10 000 au Cameroun. 10 000, c'est 15 euros. Vous qui aimez entendre que vous escroquez les gens là, repentez-vous. Ah non, je l'ai escroqué. Ah, il s'occupe de moi. Tu sais ce qui parle sur son argent qu'il te donne. Tu sais ce qui parle dessus. Tu pars voler. Il y a des gens qui volent. Tu pars voler l'argent d'un sataniste. Il est là, tu penses qu'il ne connaît pas. J'ai une de mes filles avec qui je prie. Elle est sa vie. Dieu est en train de la restaurer. Sa vie est compliquée. Sa vie est mélangée. Elle me dit, maman, je travaillais chez quelqu'un. Je passais le temps à aller voler l'argent dans sa chambre. Il ne disait rien. Mon ami, les gens comme ça sont dangereux. Tu voles son argent, il ne dit rien. Il sait. Parfois, il pose exprès. Et parfois, c'est pour ça que nous devons éduquer nos enfants. Beaucoup ont été détruits comme ça dans leur enfance. Tu es parti voler l'argent d'un sataniste. Tu as volé l'argent de quelqu'un qui pratique. Hein? Faites attention. Prie au nom de Jésus. Dis, si mon enfant a volé l'argent de quelqu'un, ou bien quelqu'un lui a donné quelque chose, et la personne utilise ça pour détruire cet enfant-là, Seigneur, que ton feu libère mon enfant. Je prie d'abord que tu me pardonnes, que tu pardonnes à cet enfant, parce que les prières de feu ne marchent pas sans la repentance. Tu dois d'abord te repentir avant de détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus, j'ai pris la chose de quelqu'un sans demander. Je demande pardon. Pardon pour moi. Pardon pour mon mari. Pardon pour ma femme. Pardon pour mes enfants. Pardon pour mes frères, pour mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous lave. Par la puissance du Saint-Esprit, maintenant commence à détruire ces envoûtements. Tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai touché, tout ce que quelqu'un m'a donné et que j'ai touché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peu l'histoire de COVID ici. On dit quoi? On ne se salue pas. Geste barrière, tout ça. Pourquoi? Parce que le virus se transmet par les mains. On dit de ne pas tousser pas sur les mains. Je vois les gens tousser comme ça encore. C'est un réflexe. On dit de tousser par le coude, n'est-ce pas? Parce que si on se salue, il y a transmission. C'est pareil dans le spirituel. C'est pareil. Tu peux avoir salué quelqu'un, la personne a tout pris dans ta vie. Tu te rends compte que tu salues quelqu'un. Après, tout d'un coup, tu deviens fatigué. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en forme tout à l'heure. Tel est venu me saluer. Envoûtement par les figurines. Tu dois te lever pour détruire ça. Détruis ça dans ta vie. Et le Saint-Esprit va commencer à te ramener des choses dans ton esprit. Va commencer à te ramener des trucs. Te ramener. Dieu va commencer à te révéler des choses. Et tout ce que le Seigneur va te révéler, ne néglige pas. Il y a deux jours, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me révèle quelque chose. Ça fait 20 ans, je vous ai parlé ça dans une vidéo, un matin. Je passais dans un carrefour pour aller à l'école. Et dans ce carrefour, tous les matins, il y avait toujours des gens qui venaient faire des pratiques la nuit. Et on retrouvait les œufs cassés, l'argent qu'on jetait. Je ne sais pas si j'avais ramassé l'argent, mais je ne pense pas parce que j'étais éduquée. Les œufs et tout. Mais on passait là, on traversait ça. 20 ans ou combien d'années plus tard, le Saint-Esprit, je sais le Seigneur. Dieu m'utilise par sa grâce pour libérer les captifs. Le Seigneur me rappelle ça. Que quand tu passais là-bas, envoûtement par les figurines, il faut que tu te lèves pour détruire. Parce que cet envoûtement, jusqu'à présent, agit contre ta vie. Parce que j'ai traversé ces histoires-là que les féticheurs ont laissées en route. Hein, soit disant que oui, va te laver au carrefour parce que tu vas laisser ta malchance là-bas. Et c'est vrai. Toi qui vas partir passer là-bas, tu n'es pas préparé. Ton enfant va aller passer là-bas. Envoûtement par les figurines. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où j'ai traversé, il y a des gens qui ont traversé des poutres. des poudres qu'on a jetées partout, des poudres qu'on a versées en route. C'est un envoûtement par les figurines. Parce que même si tu as la chaussure, c'est spirituel. Ça entre dans tes pieds. J'ai prié pour une de mes filles un jour à l'église. Je ne connaissais pas la plante, la couleur de la plante de ses pieds. Mais pendant que je priais, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour lui dire, dans tes pieds, là, tu as traversé quelque chose. Elle me dit, maman, Dédé, c'est vrai. Elle dit que mes pieds sentent mauvais. Quand je rentre chez moi, j'enlève les chaussures dehors. Parce que je ne peux pas entrer avec ça. Ça sent. Je laisse les chaussures dehors. Et dans la plante de mes pieds, il y a une tache bizarre. Je n'avais jamais vu ses pieds. Je lui ai dit pendant 7 jours, je lui ai dit comment on devait prier. Et nous avons prié. Elle est revenue témoigner à l'église. Elle dit, je ne savais même pas quand mes pieds ont cessé de sentir. C'est l'autre jour quand je rentre. Je me rends compte que mais ça ne sent pas. Je suis délivrée. Elle regarde la plante de ses pieds. La tache a disparu. Qu'est-ce que tu as traversé? Envoûtement par les figurines. Envoûtement par les figurines. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause des envoûtements par les figurines. Tu as traversé quoi sur un carrefour? Quelqu'un a jeté une poudre devant ta maison. Sur ta chaise où tu t'assois au bureau. Sur ton bureau même. Sur ta table. Quelqu'un est venu mettre quelque chose. Et tu as touché ça. C'est entré dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie par la puissance du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre mes enfants de tout envoûtement par les figurines. Délivre mon mari de tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, il y a des cadeaux bizarres. On t'offre les sous-vêtements, mon ami. Écoute-moi très bien. Il n'y a que ton mari, marié légalement, ta femme, mariée légalement, qui a le droit de t'offrir un sous-vêtement. Même dans tes cadeaux, que tu t'es marié, quelqu'un te donne un sous-vêtement, ne porte pas. C'est maman Dédé qui a dit. Fais ce que tu veux avec. Va acheter ton sous-vêtement. Vous voulez les cadeaux de sous-vêtements? Après, vous allez vous plaindre que, oh, je ne conçois pas. Oh, je n'accouche pas. On te fait les cadeaux de ton copain. Mon copain m'a acheté ceci. C'est la Saint-Valentin, mon frère. Hein? Avertis à ton copain là que mon frère ne m'offre pas les cadeaux de sous-vêtements. Si tu aimes une qualité, un genre, d'abord que copain, tu n'as pas le droit, il n'a pas le droit de voir tes dessous. Hein? Tu dis, mon frère, dis-moi ce que tu aimes. Donne-moi l'argent, je m'en vais acheter. Voilà, tu achètes toi-même. Fais attention. J'ai fait une vidéo aussi, là, une fille là, qui racontait que sa copine, sa coépouse, elle discutait un gars qui n'était même pas leur mari. Elle a pris ses sous-vêtements pour amener chez les féticheurs pour la détruire. Et je posais la question, elle fait comment pour avoir des sous-vêtements? Donc elle partait laisser ça chez son gars là-bas. Imprudence notoire. D'abord le péché, sorcellerie, plus l'imprudence. La fille a souffert. J'ai fait une vidéo ici. Je vous ai parlé de cette vidéo-là. Allez sur la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Vous allez trouver ça. Comment sa rivale l'a détruite. Envoûtement par les figurines. Faites attention. Faites très attention. Et si tu te rends compte que tu es marié à quelqu'un qui t'expose, quelqu'un qui n'a pas de secret, quelqu'un qui ouvre tout comme ça, tu dois prier, beaucoup prier. Dis, Seigneur, délivre-moi. Il y a des femmes mariées qui ont laissé leur maison et les maris sont venus avec les femmes là-bas parce qu'il y a des hommes imprudents qui font venir les femmes dans les maisons, le lit conjugal. Pareil pour certaines femmes qui sont imprudentes, qui sont... Ça, c'est même pas l'imprudence, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu ne sais pas qui a pris quoi. Une bonne qui a ramassé. On peut payer ta bonne. Ton ennemi peut payer ta ménagère pour venir récupérer tes sous-vêtements. Tu laisses ta bonne laver tes sous-vêtements. Tu laisses ta ménagère laver les sous-vêtements de ton mari. Fais ta attention. Envoûtement par les figurines. Envoûtement par les figurines. Détruis ça au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi. Partage encore cette vidéo. Je vous dis que c'est une vidéo de prière. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Toute personne qui a pris peut-être mes cheveux, qui a pris les tampons de mes menstrues, ça, c'est aussi un envoûtement par les figurines. Quelqu'un a pris ton sang. Hein? La personne, j'ai parlé tout à l'heure avec une dame qui m'a appelé, qui me racontait son histoire, comment son fiancé, un sorcier, quand elle me racontait ça, quand tu vis avec un sorcier, tu as fait comment? Si c'est ton mari, inscris-toi au programme-ci. Tu as un mari sorcier, une femme sorcière. Tu vas pas, je ne vais pas te dire de divorcer, mais je vais te dire comment tu vas prier. Dieu va te libérer. Ou il va se repentir, ou il va partir. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Délivre-moi de tout envoûtement par les figurines. Délivre ma maison. Délivre mes enfants. Tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi, Seigneur, de tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi de tout envoûtement. De tout envoûtement par les figurines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Je vous ai un peu dit en long et en large ce que c'est qu'un envoûtement par les figurines. Est-ce que tu as compris? Tu dois prier comme ça chez toi. Après l'envoûtement par les figurines, l'homme de Dieu a parlé du poison dans sa famille. Le poison. Le poison aussi, c'est une forme d'envoûtement par les figurines parce qu'on envoûte les gens. On peut mettre un poison spirituel, hein? Sur l'argent, sur un habit. On peut mettre un poison dans la nourriture. On met le poison dans l'air. On met le poison dans l'eau. Il y a des familles où le poison. C'est-à-dire que quand tu prends, tu respires même, ça te détruit derrière les organes internes. Ça te brûle tout à l'intérieur. Et tu es foutu. Et tu es foutu. Le monsieur qui est mort de la tontine, si, c'était ça. On l'a envoûtement par les figurines et c'était un poison. Donc l'argent qu'il a reçu là n'était pas un argent simple. C'était un argent que le serpent avait vomi. C'était un argent compliqué de travailler et il a touché. Et il disait que oui, je m'en fous, c'est mon argent que j'ai travaillé. Tu peux t'amuser avec le diable. Même sur ton argent que tu as travaillé, il te tue. Hein? Il te tue sur ça. Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Il est bien mort. Même sur l'argent que tu as travaillé, quelqu'un peut venir te tuer sur ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est bien. Il y a des personnes qui disent que, oui, je n'ai rien à voir avec les sorciers. Mon père n'est pas sorcier. Ma mère n'est pas sorcière. Moi-même, je ne suis pas sorcière. Je ne connais pas la sorcellerie. Vous ne pouvez rien me faire. Qui t'a raconté ça? Qui t'a raconté l'autre qualité-ci? Qui t'a raconté ça? Que parce que tu n'es pas sorcier, parce que ton père n'est pas sorcier, on ne peut pas te tuer dans la sorcellerie? Mais tu es parti dans les cotisations avec les sorciers. Tu es devenu sorcier. Sorcellerie inconsciente. Je vous parle toujours de la sorcellerie inconsciente. Tu vas mélanger ton argent avec les sorciers. Tu as mélangé ton sang avec eux. Tu es devenu un sorcier inconscient. Ils te tuent. Ils finissent avec toi. Quand Dieu dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants, avec les infidèles, vous pensez que c'est des blagues? Tu es avec eux, tu pars dans les rayons, tu pars manger leur nourriture. Tu sais que qui a préparé, ils ont préparé quoi, ils ont préparé comment, ils ont déclaré quoi sur la nourriture. Parce que dans les njangis, là, les tontines, là, il y a la nourriture, non? On cotise, moi, je faisais ça, non? On cotise collation, secours, aide, tontine, tout ça. On cotise, il y a la collation. Vous partez manger le repas que vous mangez là. Tu sais ce qu'on met là? On t'empoisonne. Pas, il y a des poisons physiques, il y a des poisons spirituels. Maintenant, dans cette nourriture-là, peut-être c'est même la chair humaine que tu manges. Peut-être c'est quelqu'un qu'on a tué à la sorcellerie. On a pris une chèvre, on a mis l'esprit de quelqu'un, on a égorgé. On vient vous donner, vous manger. Vous devenez des sorciers. Vous devenez des sorciers. Toi qui es parti dans les réunions, là, tu as mangé la chair humaine là-bas. Tu as bu le sang là-bas et... Je te dis, tu dois prier. Tu dois prier. C'est pour ça que la délivrance est très importante. La délivrance est très, très, très importante. Tu es déjà enfant de Dieu. Cherche ta délivrance. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Reçois d'abord Jésus parce qu'on ne délivre pas les païens. On délivre les enfants de Dieu. Reçois d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Après, cherche ta délivrance. Travaille à ta délivrance. Ne néglige pas ta délivrance. Qu'on ne te raconte pas les histoires. C'est toi qui sais ce que tu sens dans ton corps. C'est toi qui sais ce que tu vois. C'est toi qui sais. C'est toi qui connais ce que tu vis. C'est toi qui connais les douleurs que tu ressens. C'est toi qui connais le fardeau qui est sur ta vie. Personne d'autre ne porte ça avec toi. Cherche ta délivrance. Tant que tu n'es pas délivré, ne laisse pas. Continue à te battre. Continue à prier. Continue à implorer la grâce de Dieu. Cherche ta délivrance. Parce que tant que tu n'es pas délivré, tu n'auras jamais la paix. Tu ne vas pas accomplir ta destinée. Tu ne seras pas libre. Tu ne pourras pas te réjouir. Tu ne pourras pas être épanoui. Tu as besoin de la délivrance. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça que je t'invite à t'inscrire au dernier programme de 2026. Nous allons prier pour détruire tous les envoûtements reçus en l'année 2026. Parce que tu ne dois pas entrer en 2021 avec ça. Je vous ai parlé d'un témoignage que je suis en train de préparer. Il m'a envoyé son témoignage voice. Un de mes fils qui a été délivré de la leucémie. Cancer du sang. Il m'a envoyé son témoignage aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous faire écouter ça. J'attends quand il va faire les tests de confirmation. Il est parti à l'hôpital. Le médecin a dit que tout a disparu. Je n'ai pas envie de te faire écouter ça maintenant. Je vais te faire écouter ce témoignage. Comment Jésus-Christ délivre. Comment Jésus-Christ restaure. Il est en Europe. Il a fait voyager sa femme. Quand sa femme arrive avec les enfants, le gars tombe malade. Il tombe malade dans un pays où on ne parle pas le français. Il vivait à l'hôpital. J'ai écouté son voix de témoignage. On avait perforé la poitrine pour mettre les tuyaux au niveau du cœur. Chimio sur chimio. Parce que c'est par là que ça passait la nourriture, les remèdes. On te perce la poitrine ici. J'ai écouté ça aujourd'hui, son témoignage. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, maman Dédé, tu m'avais dit, et je me souviens, c'est là où je me souviens, tu m'avais dit, tu ne vas pas mourir. Parce que quand j'avais parlé avec le monsieur, il était déjà mort. Et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Il me dit, maman Dédé, tu m'avais dit que je ne vais pas mourir. Aujourd'hui, je suis guérie. Je vivais à l'hôpital. On me faisait transfusion sanguine. C'est quand la femme arrive. Quand parfois il était fatigué, j'ai appelé sa femme. Je dis à sa femme, écoute-moi bien, la vie de ton mari est entre tes mains. Ton mari n'a pas la force de prier. Je le laisse. Il faut que toi et moi nous prions. Parce que je sais ce que c'est qu'avoir un mari malade. Mon mari a été malade pendant 10 ans. Méningiome dans le cerveau. Je sais ce que c'est avec les enfants dans un pays étranger. C'est pour ça que j'achète ton problème. Nous allons prier. Tu ne seras pas veuve. Tes enfants ne seront pas orphelins. Au nom de Jésus-Christ. Il m'a dit ça aujourd'hui, il m'a dit, maman Dédé, tu m'avais dit que je ne vais pas mourir. Tu avais dit à ma femme qu'elle ne sera pas veuve. Je viens rendre gloire à Dieu. Délivré de la leucémie. Délivré, guéri. Il dit aujourd'hui, je peux préparer. Je peux aider ma famille. Ma femme est en train de faire les coups de langue. Je vais te faire écouter ça un jour. L'école d'Esther. Le Jésus que nous prêchons à l'école d'Esther, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Nous enseignons aux gens à rebâtir leur vie. Ta vie, tu dois la rebâtir. C'est assez de vivre ce que tes ennemis ont prévu pour toi. Tu n'es pas fatigué. Tu as 50 ans. Tu ne fais que répéter la vie que les gens ont tracée pour toi. Réveille-toi et prends ta vie en main. À l'école d'Esther, c'est ce que nous enseignons aux gens. À prendre leur vie en main. J'ai dit à cette femme-là, maman, lève-toi. Maman, ne dors pas. Refuse, dis à Dieu que Dieu. Quand j'étais en Afrique, mon mari était bien. Quand je viens retrouver mon mari avec les enfants, après une longue période de distance, de séparation, c'est maintenant qu'il va venir mourir. Je refuse ça, Seigneur. Je dois me réjouir de mon foyer. Le diable est là pour détruire les foyers. Il cède pas les foyers, pas la maladie, pas les problèmes, la pauvreté, la sorcellerie. Et céder là, c'est la sorcellerie. Et ce monsieur me raconte comment il tombe malade. Il parle d'eux de sa génitrice. Ses frères ont jeté une poudre qu'il a traversée. C'est là où la maladie a commencé. Une poudre qu'il a traversée, envoûtement par les figurines. Le type a souffert. Et jusqu'à présent, le cancer est parti. Mais son corps physique a besoin d'être rétabli. Il me dit, maman Dédé, on m'enlève combien de litres de sang par jour? Parce qu'on m'a fait trop de transfusions sanguines. La transfusion sanguine, même c'est un envoûtement par les figurines. Si on t'a fait les transfusions sanguines, tu dois chercher la délivrance. Tu ne sais pas le sang de qui on a mis dans ton corps. Le sang d'un sorcier, le sang d'un vampire, le sang d'un sataniste, le sang de qui? Tu ne sais pas. Tu as besoin de la délivrance. On t'a fait les transfusions sanguines. On t'a mis le sang de quoi dans le corps? Le slam est dans le sang. On t'a fait plusieurs transfusions. Il me dit, maman Dédé, on me faisait 4 transfusions sanguines par jour. 4. Parce que j'étais mort. J'étais foutu. La première chose, quand ce monsieur, j'ai parlé avec lui, je l'ai d'abord conduit au Seigneur. Je dis, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et même si tu meurs, ton âme sera sauvée. Je l'ai conduit à la nouvelle naissance. Il a reçu Jésus. Et la même nuit, il a fait un rêve. Il a fait un rêve où il est sorti d'un trou. Il dit, maman, j'étais dans un trou profond. Et cette nuit, j'ai vu quelque chose et j'avais un lourd fardeau. J'ai vu une lumière qui est venue me prendre dans ce trou. Et le fardeau est quitté. Et je me suis retrouvée dans la lumière alors que j'étais dans les ténèbres. La nouvelle naissance est la première délivrance. Je dis que gloire à Dieu, ça a commencé par là. Maintenant, on va continuer à prier. Jésus-Christ qui est venu te sortir du trou là, il va te délivrer. Il va te guérir. Ta femme ne va pas pleurer. Je vais vous faire écouter le témoignage un jour. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Tu as eu des transfusions sanguines, il te faut la délivrance. Il te faut une délivrance profonde. Ce que je te dis là, c'est très sérieux. Que tu sois dans une église ou pas, si tu n'as pas encore été délivré profondément, parce que tu as les âmes que tu ne comprends pas dans ton corps, tu peux être dans l'église, tu as les transfusions sanguines, tu vas en enfer. Alléluia. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Si le monsieur là qui était dans la tontine avait Jésus, il n'allait pas mourir. Jésus allait le protéger. L'affaire de Kumba qui s'est passée, quand je vous dis là que prions pour nos enfants, les gens pensent que je tape ma bouche ici parce que je n'ai rien à faire. Il y a un témoignage qui circule, une fille, une petite fille de 13 ans. Ils finissent la prière matinale chez eux le matin. Et le Saint-Esprit parle à une fille de 13 ans. Venez prier pour vos enfants. Venez prier. Vous avez des enfants sorciers. Le Saint-Esprit ne parle pas à vos enfants. Ce sont les démons qui parlent à vos enfants. Venez prier. Oh. Dernier programme de 2020, inscrivez-vous. Prière matinale. C'est une famille où on enseigne aux enfants à prier avant d'aller à l'école. Le Saint-Esprit parle à la fille de 13 ans. Il ne parle pas aux parents. Est-ce que vous savez que le chemin que nous montrons aux enfants, demain ou après-demain, ils nous feront du bien? Le Saint-Esprit parle à l'enfant de ne pas aller à l'école. La mère, la maman, va à l'école. Arrive à l'école, c'est là où les sorciers là partent tuer les enfants des gens. Elle raconte dans son témoignage, elle dit que le type avait déjà mis l'arme sur elle pour la tuer. Elle a dit, Jésus, le gars a levé l'arme. La petite a fui. Aujourd'hui, elle va à l'église rendre gloire à Dieu. Elle va à l'église prier, dit merci au Seigneur. Pendant ce temps, il y avait les enfants des pasteurs qui sont morts. Est-ce qu'ils ont prié le matin avant d'aller à l'école? Jésus-Christ de Nazareth est très important. Mais maintenant, il y a l'entretien de la relation. Quand tu es dans une relation, même avec un amoureux, il faut entretenir la relation. Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, quel est l'entretien que tu apportes à la relation que tu as avec ton Jésus? Est-ce que tu vas seulement vers lui quand tu as des problèmes? Est-ce que tu te conformes à sa parole? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux que le Seigneur te libère? Est-ce que tu veux mettre sa parole en pratique? C'est la différence. Quand tu entretiens ta relation avec Jésus, Jésus est trop efficace dans ta vie. Trop efficace dans ta vie. C'est le conseil que je te donne. Ne néglige pas ta relation avec le Seigneur. Cherche ta délivrance. L'école d'Esther. Prions pour nos enfants. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes vivants. On ne prie pas pour les morts. Quand tu es mort, c'est fini. C'est fini. Quand quelqu'un que tu aimes meurt, ces photos, jette ou garde quelque part les souvenirs. C'est chaud, range, c'est fini. Oublie la personne. Oublie la personne. Donc, cherche ta délivrance tant que tu es vivant. Prie pour tes enfants quand ils sont vivants. Prie pour ton mari quand il est vivant. Prie pendant que tu es vivant, prie. Il n'y a pas de prière pour les morts. Oui, on va prier pour le repos de l'âme de tel. C'est des bêtises. C'est des foutaises. C'est du mensonge, un grossier mensonge. On prie pour les vivants. Quand vous nous voyez debout comme ça, c'est que personne ne doit mourir. Nous devons être debout. Et c'est la fin de l'année. Ils sont en train de sacrifier. Ils sont en train de sacrifier. Est-ce qu'on va sacrifier tes enfants? Peut-être c'est toi-même qui les as sacrifiés. Peut-être on a sacrifié tes traumas. On a sacrifié ton mariage. On a sacrifié ta santé. Lève-toi et prie. Je veux que tu pries encore ce soir. Avant qu'on ne se sépare. Je veux que tu dises encore au nom de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, je ne serai pas sacrifié. Aucun de mes enfants ne sera sacrifié. Mon mari ne sera pas sacrifié. Ma femme ne sera pas sacrifiée. Aucun de mes frères et de mes soeurs ne sera sacrifié. Aucun domaine de ma vie. Parce que quand ils ne peuvent pas te tuer, ils vont commencer à sacrifier les domaines de ta vie. Sacrifier tes finances, sacrifier tes projets, sacrifier ceci. L'autre jour, je crois que c'était hier, je priais avec une soeur. Et pendant que je priais, le Seigneur me montre ses trompes attachées. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à déclarer au téléphone. Et là où elle était, le ventre a commencé à faire mal. Elle dit, maman, je ne supporte plus. Mon ventre me fait déjà trop mal. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, on a sacrifié tes trompes. Je vois tes trompes attachées avec des fils. Je te libère au nom de Jésus. Je coupe ces fils par la puissance du Saint-Esprit. Je dis au nom de Jésus, quand on ne peut pas te tuer, on ne peut pas sacrifier ton âme, sacrifier ta vie. On sacrifie les domaines de ta vie. On sacrifie les organes de ton corps. On peut sacrifier ton argent. On peut sacrifier ta paix. On peut sacrifier la joie dans ton foyer. Tu dois te lever pour dire, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, j'invoque le feu dans ma vie. Aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Aucun domaine de la vie de mes enfants ne sera sacrifié. Mon foyer ne sera pas sacrifié. Mes enfants ne seront pas sacrifiés. Mon argent ne sera pas sacrifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis aucun domaine de ma vie, je dis aucun organe de mon corps ne sera sacrifié au nom de Jésus-Christ. Prie encore par la puissance du Saint-Esprit. Prie encore par l'autorité de Jésus. Déclare qu'aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare par le feu. Aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Ma relation avec mon Dieu ne sera pas sacrifiée. Ma relation, ma vie de prière ne sera pas sacrifiée. Est-ce que tu sais qu'on peut sacrifier ta vie de prière? Tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier. Tu es tout lourd comme ça. Tu n'arrives plus à prier, à méditer. On a sacrifié ta vie de prière. Lève-toi et déclare, ma vie de prière ne sera pas sacrifiée. Mes relations ne seront pas sacrifiées. Ma relation avec Dieu ne sera pas sacrifiée. Ma relation avec mon mari ne sera pas sacrifiée. Ma relation avec mes frères, mes soeurs ne sera pas sacrifiée. Ma relation avec mon parent, avec mon patron ne sera pas sacrifiée. Ma relation avec mes partenaires ne sera pas sacrifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes finances ne seront pas sacrifiées. Mon foyer ne sera pas sacrifié. Je le déclare, aucun organe de mon corps ne sera sacrifié par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Je dis, rien ne sera sacrifié. Mes biens ne seront pas sacrifiés. Tu peux faire comme ça. Tu fais un accident. Ou bien il y a un incendie chez toi. Le diable te fait perdre ton matériel. Il te fait perdre tes biens. Déclare qu'aucun de mes biens ne sera sacrifié. Aucune de mes entreprises ne sera sacrifiée. Aucun de mes projets ne sera sacrifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève contre tout sacrifice dans le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils ont mis sur leur autel là, qui me concerne pour sacrifier là, je détruis ça au nom de Jésus. Je dis c'est nul et sans effet. Je dis c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis amen, amen, amen. Je suis Maman Tsala. Ne pars pas encore. J'ai encore des annonces pour toi. Inscris-toi au dernier programme-ci. Je veux prier avec quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Tu as écouté ce message. Tu as écouté cette parole. Et tu sens dans ton cœur que tu as besoin de refaire la paix avec Dieu. Tu as déjà rencontré Jésus, mais ta vie avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Et tu veux rencontrer encore Jésus en profondeur. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi, dis Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je viens reconnaître que Jésus-Christ seul est ma sécurité. Et je veux le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me restaure. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, efface mon nom dans les livres des enfers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, viens dans mon âme, accorde-moi le Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de te suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis amen, amen, amen. Maintenant, toi, je vais prier pour toi qui as fait cette prière. Pose les mains sur ta tête comme ça. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, moi, je suis en train de prier pour toi pendant que la main est sur ta tête. C'est la main de Jésus qui est sur toi, qui te libère, qui te restaure. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus là où tu es, par la puissance du Saint-Esprit. Dans la Bible, les gens recevaient le Saint-Esprit par imposition des mains. Et là où tu es, c'est la main de Jésus qui est sur ta tête. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. J'efface ton nom dans toutes les listes des morts, les listes des sacrifices, tout ce qui en est à faire les listes. Nous allons faire une veillée seulement pour effacer les noms sur les listes. Pas aujourd'hui. J'efface ton nom sur les listes. J'efface ton nom, j'efface ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que tu es un enfant de Dieu, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Toi qui viens de recevoir Jésus, je prie spécialement pour toi. Je prie que tout envoûtement dans ta vie tombe au nom de Jésus. Je prie que toute condamnation quitte ta vie au nom de Jésus. Ceux qui t'ont condamné avant, maintenant tu es un enfant de Dieu. Ma Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens annuler les condamnations sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas sentir que quelque chose de bien s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, on a fini de prier. Elle me dit, maman, dès je sens une joie dans mon cœur. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais. Je sens ça, je ne peux pas expliquer, mais j'ai plus de paix, j'ai plus de joie. Je le sens, je le sens, je le sens. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je dis amen, amen. Maintenant, toi qui as reçu le Seigneur, tu dois te baptiser dans l'eau. Tu dois chercher une église où on prêche la nouvelle naissance. Si tu es au Cameroun, va au Temple des Nations. Au Cameroun, là-bas, il y a un séminaire de délivrance très important des œuvres du serpent. Il faut que tu ailles persévérer dans une église. On ne persévère pas sur Facebook. Facebook n'est pas l'église. Facebook n'est pas l'église. Il y a des gens qui viennent sur Facebook, qui n'annoncent pas l'évangile, qui collectent les enfants des gens et ils viennent vous enseigner. On annonce. Facebook n'est pas l'église. Tu dois avoir une église, une famille où tu persévères. Alléluia. L'église, c'est la famille. Alléluia, alléluia. Donc, tu dois persévérer et c'est la fin de l'année. Nous devons prier. Nous avions l'église à Paris, mais avec le confinement, nous sommes obligés de rester à la maison parce que nous respectons les autorités, nous respectons les instructions des autorités. Donc, nous allons faire des lives comme ça, de prière. Tu dois beaucoup prier en cette fin d'année. Si tu veux prier encore plus en profondeur, viens à l'école d'Esther, dans les programmes de l'école d'Esther, le Seigneur te fera du bien. Maintenant, je vais vous demander une faveur, vous qui êtes connectés, vous tous là. Est-ce que vous pouvez aller après cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'école d'Esther? Allez vous abonner là-bas. et le Seigneur va vous bénir. Je prie pour tous ceux qui sont abonnés. Quand vous êtes abonnés à mes chaînes, quand vous êtes abonnés sur mes pages, je prie, j'ai des moments spéciaux de prière pour vous. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page, ma page Facebook, dans le groupe L'École Esther, j'ai des moments particuliers où je m'assois, où je prie pour vos âmes, où je dis au Seigneur de vous d'intervenir dans vos vies, où je dis au Seigneur de vous préserver. Donc, va t'abonner sur la page, la chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a Temple des Nations, il y a L'École d'Esther, les deux chaînes YouTube là. Le Seigneur va te faire du bien. Et tu entres dans mon calendrier d'intercession, dans mon calendrier de prière, où j'ai le devoir. C'est cet engagement que j'ai pris avec le Seigneur de prier pour tous ceux qui viennent dans les programmes de l'École d'Esther. Même si depuis que l'École d'Esther a commencé, toute personne qui est venue à l'École d'Esther, je prie pour toi. C'est l'alliance que j'ai avec le Seigneur. Je prie pour ton âme, même si je ne sais plus, j'étais perdue de vue. Je prie que le Seigneur veille sur ton âme. J'ai dit à Dieu, comme Jésus, Seigneur, je ne veux perdre aucun. Donc, va t'abonner sur cette chaîne, L'École d'Esther. Et va aussi dans le groupe, L'École d'Esther. C'est là où nous faisons la prière matinale. Le groupe, L'École d'Esther, nous faisons la prière matinale là-bas, tous les matins. Nous envoyons le feu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage aujourd'hui. Et quand elle a fini la prière matinale, elle était dans une voiture qui a fait l'accident ce matin. Elle dit, maman, je suis sortie comme ça, je n'ai rien eu. La voiture est gâtée. Dieu m'a gardée. Vous comprenez? Très important. Ne négligez pas vos vies. Ne vous amusez pas. Ta vie, hein, c'est pour toi seul. Quand tu es bien, c'est bien dans ton corps. Quand tu es mal, c'est aussi dans ton corps que tu sens. Quand tu meurs, quand tu fermes les yeux, tu quittes la terre. Ton âme quitte, ton esprit quitte. Tu es seul. Tu gères le retour seul. Il y a une vie après la mort. Ça s'appelle l'éternité. Ne néglige pas ta vie. Et l'éternité se prépare maintenant. Quand tu es sur la terre, c'est maintenant que tu gères ton éternité. En recevant Jésus, en arrangeant ta vie. Quand tu es mort, c'est fini. Quand tu es mort, c'est fini. Hein? C'est pour l'éternité que tu vas brûler. Dans le feu pour l'éternité. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, maman Dédé, franchement, quand je te regarde, je dis que maman, moi là, le ciel à tout prix, Dieu va m'aider. C'est ma prière. Je dis, je ne rate pas le ciel. Je travaille avec crainte et tremblement. Ce n'est pas comme si j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière. Je me concentre vers le but. Le but, c'est le ciel. Maintenant, les accessoires, là, la délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces accessoires, cette délivrance, sur la terre pour que je sois bien, pour que j'ai la force de continuer à me battre, à courir, à faire ma course pour aller au ciel. Il faut que je sois béni. Donc l'évangile est équilibré. Le ciel, la terre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je suis maman Dédé, maman Tsala. Vous pouvez m'écrire pour m'expliquer vos problèmes sur mon WhatsApp qui est affiché. Et ne venez pas me demander comment je vais, tout ça. Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Donc, si tu dis là que je veux l'argent pour aider les veuves, est-ce que tu vas me donner? Donc, viens m'expliquer ton problème. Tu me dis si je peux te donner un conseil, te dis ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et le Seigneur te fera du bien. Partage encore cette vidéo. Ça fera du bien à quelqu'un. Sortez des tontines. Prions pour nos enfants. Prions pour nous vivants. Aimons-nous vivants. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Amen.